Gut, machen wir nochmal einen Tisch drum. Thank you. Message à ma nana, donc du coup ça me prend grave la tête. J'avoue, je fais de la merde, même en soutien rythmique, c'est pourri. Donc attends, si tu veux buffer à côté, attends, et après revenir, je le prends. Mais sinon, j'envoie ce message là, je fais rien d'autre que ça. Après, je vais être dedans là, en espérant qu'elle réponde pas. Non, je rigole, enfin, pas vraiment. C'est vraiment pas loin. Attends. Du coup, toi, je mets mon beat. Voilà. Ça, c'est un truc, c'est un nouvel outil que je suis en train d'essayer. Et alors, il y a aussi une basse, mais je vais pas te marcher dessus. Genre, je vais l'arrêter. On va faire des trucs. Regarde. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. c'était bien sympa, c'est clair. Pardon. Which tune, sorry. Je suis désolé. Je vise un là. Thank you. Thank you. Thank you.